bien du vent à Beaucor. Je sais pas, on est dans un petit temple abandonné, quoi, dans une pagode dégueulasse où il y a plein de trucs par terre. De la bouffe qui a moisi. Complètement abandonnée.